Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Charlotte Delbos se voulait une femme libre, soumise à personne. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à tenir tête à Louis Jouvet et lui a imposé de revenir d'Amérique toute seule en bateau pour venir combattre le monstre nazi à main nue. Et Jouvet n'était pas une personne à laquelle on résistait facilement. Cette semaine, féminisme et résistance. Oh, vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas, qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse? Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontière? Le saviez-vous? Vous qui savez. Portrait de femme au combat. Charlotte Delbos qui dit voilà, la solidarité, c'est rendre à chacune d'entre nous, morte ou vivante, un peu de place, un peu de trajectoire personnelle. Charlotte, Delphine, Carole et les autres. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Aujourd'hui, entretien avec Paul Gradvol, historien et maître de conférences, biographe de Charlotte Delbos. Paul Gradvol, si on doit poursuivre sur le... la relation de Charlotte Delbos avec la question politique, vous nous le disiez, elle a été une compagnonne de route, on dit ça? Je ne suis pas certain qu'on dit ça. Enfin bon, elle a eu sa carte. Non, elle n'a pas eu sa carte. Je ne sais plus. A-t-elle été inscrite au Parti communiste de manière officielle avec un numéro, un stempel? Que j'ai vu, non. Non. Mais... cela a finalement assez peu d'importance. Elle a risqué sa vie. Voilà. Pour la résistance communiste. Il semblerait que nous soyons quand même dans une situation assez particulière. Je rappelle à nos auditeurs que la France a connu une entrée dans la Deuxième Guerre mondiale très particulière, puisque la guerre est déclarée le 1er septembre, mais l'entrée en guerre, c'est quand les Allemands attaquent la France. Et pendant cette période-là, le pacte germano-soviétique depuis août 1939, associé à l'URSS, et l'Allemagne nazie. Ce qui a fait que le Parti communiste français s'est trouvé dans une position extrêmement délicate. Or, ce qu'on constate, c'est que Charlotte Delbos et son mari Georges Dudac sont attachés à ces communistes qui ont commencé à résister, notamment dans les milieux intellectuels, avant le 22 juin 1941, c'est-à-dire avant la rupture du pacte germano-soviétique. Donc, font-ils dos par rapport à l'appareil du parti du PCF, du Parti communiste français? Alors, Georges Dudac est un militant convaincu qui a aussi été formé à Moscou. Je ne crois pas qu'il se soit opposé frontalement, un tant soit peu publiquement, mais de toute manière le parti était clandestin, donc ce mot n'a pas de sens, aux directives de Moscou. Ce qui est sûr, c'est que, sans confrontation directe, il fait partie de ce groupe minoritaire de gens qui se mettent en action avant l'opération Barbarossa et l'attaque de l'URSS. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que Charlotte Delbos en voudra au Parti communiste dès l'époque de la guerre et encore plus après la guerre pour diverses raisons. D'une part, le comportement des communistes dans le camp de concentration qui, par leur organisation, se protégeaient eux avant tout, bon, ce qui est un réflexe humain qu'on ne peut pas reprocher, mais quand on a un discours universaliste en même temps, c'est un peu plus compliqué à accepter. D'autre part, elle est en porte-à-faux parce qu'elle part de la vérité de ce qui s'est passé telle qu'elle l'a vécu. Et cette vérité telle qu'elle l'a vécue ne correspond pas au discours héroïsant qui voudrait qu'en camp de concentration aussi, on soit quasiment dans une position comparable à celle d'un résistant en zone libre. Or, Charlotte Delbault, dans ce qu'elle écrit, montre bien que certes, il y a la solidarité, etc., mais ça ne se déroule pas sur les mêmes bases que ce qu'on peut faire quand on est en relative liberté, même soumis à une puissance occupante. Et puis ensuite, Charlotte Delbault n'a pu que constater que le Parti communiste rendait un hommage extrêmement modéré à son mari, défunt. Et les raisons de cette distance de la part du bureau politique? Ces raisons, je ne peux que les supposer. Il est clair que le Parti communiste français, le Parti des fusillés après-guerre, de même qu'avec le groupe Manouchian et Doudard, hein, est un nom quand même qui vient visiblement de l'Est. C'est un nom juif, polonais, ukrainien, donc c'était à peu près clair. On avait affaire à quelqu'un qu'on ne voulait pas spécialement mettre en avant. Il est possible que ça soit lié aussi aux activités de d'autres membres de la famille de Georges Dudac, qui était impliqué dans la compagnie de navigation que les soviétiques avaient montée avec le PCF pour essayer d'aider l'Espagne républicaine, mais de façon extrêmement particulière. Et tout ça relève d'opérations hautement clandestines. La vie de Georges Dudac elle-même comportait un certain nombre de points clandestins. Et donc, ce genre de questions était bien trop délicate. On l'a vu, les rapports avec l'Union soviétique, quand on a pris les difficultés du PCF face à la biographie de ses principaux dirigeants, que ça soit Duclos ou surtout Maurice Thorez. Paul Gravol, une question me vient en vous écoutant nous raconter et nous préciser, nous esquisser le portrait de cette femme, Charlotte Delbault. Vous nous disiez il y a peu que sa relation, quoiqu'étant proche d'un féminisme, s'en tient profondément à distance. Il en est de même avec toute figure héroïque, pour peu que cet héroïsme-là soit quelque peu académisé, institutionnalisé. Cette distance prise, on devine que c'est aussi par le prisme de l'expérience telle qu'elle a pu le vivre à l'intérieur du camp, vivant dans sa propre chair, regardant au jour le jour l'être humain dans de pareilles conditions vivre ou tenter de survivre. Est-ce que vous diriez, vous savez ou vous pensez que, évidemment, cette expérience n'a pu que la transformer ou a accentué, accéléré quelque chose qui était déjà profondément en elle, un œil aigu, une parole qui ne s'en laisse pas compter, qui ne se laisse pas dompter et qui doit trouver l'équilibre entre le sens solidaire et l'individualisme à préserver farouchement. Vous venez de mettre le doigt sur un des grands paradoxes de cette existence, à savoir Charlotte Delbault se voulait une femme libre, soumise à personne. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à tenir tête à Louis Jouvet et lui a imposé de revenir d'Amérique latine, de la tournée où Jouvet est resté jusqu'à la fin de la guerre, de revenir toute seule en bateau pour venir combattre le monstre nazi à main nue. Et Jouvet n'était pas une personne à laquelle on résistait facilement. Donc, elle a cette force incroyable de caractère, cette détermination, c'est clair, et ça date d'avant le camp. Mais en même temps, et c'est ça, je pense, le caractère étonnant et qui nous questionne encore aujourd'hui, et pour des gens comme moi qui ont eu la chance d'une certaine façon de la rencontrer, même si c'est à travers des textes et des archives, sans doute plus que la moyenne des auditeurs, mais ça fait que aujourd'hui encore, je me pose les questions un peu au prisme de la façon dont elle les a abordées, à savoir que cette solidarité qu'elle a vécue en camp, qui est une solidarité existentielle, physiologique, on se serre les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. On tourne pour que le premier qui est devant au froid ne reste pas tout le temps le premier devant au froid. Il y a comme elle le dit, une capacité à voir dans les yeux de l'autre celui qui va accepter de faire face à l'épreuve ensemble ou celui qui essaiera toujours de tirer son épingle du jeu aux dépens des autres. C'est ça qu'elle a appris en camp. Et c'est ça qui est effrayant après le camp. Et donc, ça veut dire que le sens de la solidarité qui est extrêmement fort chez Delbault va se développer, je dirais, au moins de deux façons claires. La première, et on le voit dans ce livre incroyable qui est le Convoi du 24 janvier, publié en 1965, c'est une prosopographie, terme savant pour dire une liste de petites notes biographiques de une, deux, trois pages sur toutes les femmes du convoi, sauf une qu'elle n'a pas pu retrouver, qu'on a retrouvée nous, mais qui était morte dans le train, donc ça n'a pas d'impact sur cet ouvrage. Des petites fiches. Des fiches qui sont publiées, ça devient un livre, mais tout est édité par Charlotte Delbault. Donc chaque mot a un sens, avec un certain nombre de commentaires généraux. Donc ce livre est remarquable. Aujourd'hui, ça vaudrait pour une œuvre universitaire. À l'époque, comme ce n'était pas fait dans l'esprit avec le stempel, comme vous dites, le petit tampon vérifié officiellement par l'université, c'est passé à la trappe. Ce livre est remarquable. Et donc, du point de vue de la solidarité, c'est là Charlotte Delbault qui dit voilà, la solidarité, c'est rendre à chacune d'entre nous, morte ou vivante, un peu de place, un peu de trajectoire personnelle. Et ça, c'est la solidarité. Donc, on voit bien que ça joue, il y a un jeu entre l'individu et le collectif qui est assez particulier ici. L'autre chose, c'est dans son théâtre et dans toutes ses œuvres, il y a une mise en avant de la solidarité. Et souvent de la solidarité des femmes face à la mort, comme dans Calavrita, cette pièce de théâtre sur ce village grec où on a exécuté tous les hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y restait plus personne et les femmes doivent enterrer les morts. Et c'est une pièce et un texte tout à fait remarquable. Mais on voit ça à travers toutes ses œuvres. Donc il y a une représentation de la solidarité de destin face à la destruction qui est très très forte. Mais en même temps, elle n'est pas héroïque cette solidarité. Elle est essentiellement intense émotionnellement et en partie intellectuellement aussi. Mais Charlotte Delbault est une militante de la défense des libertés et pas une militante qui prône une nouvelle forme de pouvoir. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle n'a pas trouvé, on peut le comprendre, ce qui lui conviendrait pleinement. Par contre, et c'est original, ce qu'elle ne veut pas, politiquement, elle le voit à 360 degrés, sur tous les bords politiques. Ça va de l'URSS aux États-Unis, sans aucun problème, en pleine période de guerre froide. Et ce n'était pas si commun. Et de ce point de vue-là, c'est une affirmation de sa liberté, qui est extrêmement forte. Paul Grandvol, est-ce que l'adjectif artisanal conviendrait pour comprendre le regard, l'approche, les réflexes, l'instinct, la manière de fonctionner de Charlotte Delbault, en sachant que, pour revenir à Louis Jouvet, à côté duquel elle se trouve pendant qu'il donne ses cours au conservatoire, qu'il fait travailler ses élèves, cette notion de travailler le morceau, comme il dit, m'a toujours donné l'impression que il fallait se frotter avec de la matière et que en fait c'était la résistance de la matière qui faisait de l'intelligence, qui faisait peut-être de la stratégie, qui faisait aussi parfois du renoncement, de la résignation, en tout cas la rencontre possible avec l'échec. et que là-dedans, les hiérarchies inventées, elles servaient pas à grand-chose, parce que quand on a le burin et le marteau dans les mains, bah, la hiérarchie, ça sert pas à grand-chose. Je ne peux que vous remercier de cette image, parce qu'au début de votre question, avant même que vous n'y placiez les termes relatifs à la sculpture, mon premier réflexe a été soudain, de façon un peu inattendue, de voir Charlotte Delbault comme une femme qui sculptait. Et qui sculptait une matière étrange qui est faite de la densité émotionnelle de la vie humaine. Et donc, cette matière a une résistance, comme vous le disiez. On peut la sculpter avec des outils différents, hein, théâtraux, littéraires, autres que théâtraux, avec la mise en scène, hein, puisqu'elle a aidé, elle a été présente, etc. Avec aussi le désir qu'elle avait de transmettre par ses œuvres. Ce qui est une forme de sculpture d'une matière émotionnelle dense à venir, sur laquelle on n'a pas prise. Et je crois que, pour ainsi dire, Charlotte Delbault essayait de faire un peu, peut-être, ces demi-coques de bateau. C'est-à-dire, non pas une représentation totale de ce qu'il y a sur l'univers, etc., mais ce qui, de l'humanité, peut flotter et fait sens, en sachant que c'est la responsabilité de celui qui lit et qui voit, qui entend, qui voit les spectacles écrits par Charlotte Delbault, de faire la coque complète et l'accastillage et le reste. Mais la force essentielle, ce qui fait que ce bateau tient l'eau, ce bateau a un profil particulier, etc., ça, c'est son travail. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question, mais c'est comme ça que je le ressens. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Suite de l'entretien avec Paul Gradvol, historien et maître de conférences, biographe de Charlotte Delbault. Venons-en, Paul Gradvol, à la partie la plus, sans doute la plus délicate, on va dire l'héritage. Parmi les possibilités d'héritage, au-delà des livres que vous nous indiquez et nous conseillez à nous précipiter, il y a aussi les spectacles. Jouer du Delbault, néanmoins, ça ne semble pas aller de soi aussi facilement, parce que déjà, tout ce qui peut relever des questions concentrationnaires et autres à l'écran ou sur scène, pour ma part, en tout cas, j'ai souvent bien des réticences. Mais vous, qui êtes un monsieur l'expert Delbault, j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion d'en voir un certain nombre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner votre sentiment sur l'intérêt ou les difficultés, la complexité d'adapter scéniquement Delbault au théâtre, ou de le jouer tout simplement quand il s'agit de pièces de théâtre? Alors, Pascale Vachou, comédienne genevoise, qui est intervenue donc au festival Histoire et Cité il y a plus d'un an, avec moi, ou plutôt moi avec elle, a fait une lecture qui manifestement a transporté la salle. Donc ce souffle ne peut être porté de façon idéale sans doute que par un comédien, Et visiblement, les comédiens savent le faire. Et pas seulement dans ce cas-là. Ma mémoire flanche, mais vous comblerez mes trous. Un Suisse, avec une petite compagnie, joue, alors que c'est un homme, une voix féminine, dans un spectacle fondé sur des textes d'Elbeau, et c'est parfaitement remarquable. On pourra chercher et donner le nom à l'antenne plus tard. Vous connaissez Agnès Braunschweig, donc vous avez apprécié son travail et vos auditeurs entendront sa voix. Et je voudrais faire part d'une expérience qui a lieu en lycée aujourd'hui en France. Il y a dans un lycée du 13e arrondissement à Paris, une professeure de théâtre qui fait jouer, et elle a fait jouer ça depuis assez longtemps, assez souvent, du Charlotte Delbault par des élèves. Le spectacle le plus récent que j'ai vu, c'était la fin de l'année dernière, avec des élèves de 3e et des élèves de 1er ou de terminale. Je peux vous dire que c'était tout simplement impressionnant. Je vais vous donner un exemple. Elle a donc recomposé à partir de textes de Delbault une pièce de théâtre qu'elle a fait jouer par ses terminales à l'époque dans l'Essonne au sud de Paris. Et on avait été la voir au mois de juin alors qu'il y avait la canicule dans une salle fermée, donc autrement dit un four. On est sorti de cette pièce en ayant froid à cause de ce que les jeunes avaient fait sur scène. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Blèche est morte, qui avait les yeux en amande et des mains qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande et un rire si argentin. Aurore est morte, qui avait des yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse, tant d'ardeur, tant de promesses, tout un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie ni rien, et courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva, et moi, Charlotte, dans pas longtemps nous serons mortes, nous qui n'avons plus rien de bien. Charlotte Delbault, aucun de nous ne reviendra. Je constate, c'est que il faut monter Delbault, il faut continuer à le monter, il faut donner ce plaisir aux jeunes. C'est des expériences qui, je pense, vont leur donner pour toute une vie un sens que la rencontre avec Delbault permet. C'est quelque chose de magnifique et très sincèrement, je ne peux qu'encourager tous les auditeurs qui sont enseignants ou autres à aller voir sur le site charlottedelbault.org toutes les initiatives qu'il y a eu. Ils vont retrouver ce qui s'est fait, ce qui se fait. Vous entendez le devoir de mémoire, le fameux devoir de mémoire. Oui, on est au-delà du devoir de mémoire. On est au devoir de citoyenneté responsable. Et le devoir de mémoire est une partie de ce devoir de citoyenneté responsable. Et l'œuvre de Delbault, d'une certaine façon, transcende ce devoir de mémoire. Je disais cette expression parce que j'ai enregistré il y a peu de temps l'éditeur phonographique Patrick Frémaux, qui parmi ses innombrables volumes CD en tout genre, édite aussi des auteurs lisant leurs propres textes. Il a ainsi dans son répertoire Pagnol, qui dit certaines pages de son écriture, et un enregistrement intégral de L'étranger dit par Camus. Le même Camus qui a également, je ne sais pas s'il l'a enregistré, en tout cas lu, son Caligula, et le témoignage voulait que quand il lisait le personnage de Caligula, il le lisait avec ironie. Là où véritablement, on pense pas forcément tout de suite à ironie quand on pense au personnage de Caligula. Autrement dit, je vous envoie sur la question de la tonalité, du ton Devoir de mémoire, qui, pour ma part, je le trouve souvent affligeant, pour vous le dire de manière directe. Et qu'au contraire, là où il faut probablement relever les manches, c'est essayer de travailler cette matière-là différemment, la faire sonner différemment, un peu moins intentionnelle. Mais de toute manière, Charlotte Delbault, lui avec emphase, ça ne marche pas. C'est jamais... Je ne crois pas avoir entendu quelqu'un qui a essayé d'aller dans ce sens. Justement, les jeunes gens que vous avez vus. Pas du tout. Alors, ça allait dans quelle direction, ça? C'est vraiment difficile à qualifier. Je dirais qu'il y a. Il y a un rapport d'humilité qu'on sent. Et ça évite toute emphase. Parce que ces petits jeunes ne sont pas idiots. Ils ne se prennent pas pour un résistant de 1941, ils ne se prennent pas pour Charlotte Delbault. Ils sont dominés. Quand ils vont à Calavrita et qu'ils voient les tombes, qu'ils voient le trajet qu'il a fallu pour transporter les cadavres, et qu'ils ont du mal à soulever leur cartable à 12 kilos, et qu'ils voient ces pauvres femmes qui ne mangeaient pas et qui transportaient 80 kilos, ils comprennent tout de suite que c'est autre chose. Paul Gradvol, si on veut vous lire ou lire ce que vous pourriez nous conseiller autour de ce personnage, Charlotte Delbault, que nous conseillez-vous ? À l'évidence, d'abord de la lire, elle, parce que c'est une expérience que je souhaite très sincèrement à tout le monde. Et je tiens à dire que c'est une lecture extrêmement forte. Mais c'est une lecture revigorante. Charlotte Delbault ne prête pas à la dépression. C'est plutôt l'inverse. Elle aiderait à en sortir. Au-delà de ça, avec Violaine Gély, donc, nous avons fait une biographie qui se veut proche de l'esprit de Charlotte Delbault, donc sans beaucoup de phrases, si je puis dire, sur la base du dépouillement de toutes les archives auxquelles on a pu avoir accès et les rencontres qu'on a pu faire. C'est édité chez... Chez Fayard. Et maintenant, dans la collection plurielle, donc à moins de 10 euros, ce qui fait quelques francs suisses en plus, mais pas tant, et qui est disponible en général chez Payot en Suisse, donc tout va bien. Vraiment aller sur le site tout bêtement Charlotte Delbault et vous pourrez trouver tout ce que vous souhaitez trouver. Ça me semble mieux que d'essayer de faire une liste comme ça. Merci Paul Gradvol d'être venu au micro d'Histoire Vivante. C'est moi. Demain, nous recevrons Callisto McNulty, réalisatrice du film Delphine et Carole Insoumuse. Le prochain documentaire d'Histoire Vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Demain, vendredi, Histoire Vivante est à lire dans La Liberté. Depuis leur création, les prestigieux prix Nobel ont été attribués à 935 lauréats, mais seulement 52 fois à des femmes. Cette extrême disparité, qui ne réserve que 5% des honneurs à la gent féminine, traduit bien le malaise de l'inégalité des genres dans les milieux académiques. Les femmes, grandes oubliées du Nobel, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire